Les cages flottantes mobiles installées l'année dernière sur le fleuve Tétons ont donné leurs premiers produits les 27 et 28 septembre. Les silures pêchées sont envoyées aux crèches et écoles maternelles pour orphelins de Pyongyang et à la maison de retraite de Pyongyang. On prévoit en octobre la pêche de carpes et d'autres poissons et de coquillages. Pour l'amélioration de la vie de la population, la Corée encourage la pisciculture basée sur les cages flottantes.